c'est la vie. She's on to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember ta mélodie, ta mélodie. C'est comme si, c'est comme ça, c'est